Chapitre 4 de Rencontre. De toute la traversée, Jim Sandy ne décoléra pas. Le procédé dont il était victime lui était allé au cœur. Et pourtant, disons-le de suite, ce n'était pas la violence qu'on lui faisait qui légitimait sa mauvaise humeur. Il était aussi peu prisonnier que possible. Les meilleures cabines du bâtiment furent mises à la disposition des siens et de lui-même. Le commodore informa aussitôt ses hôtes qu'il serait fort honoré de les voir prendre place à sa table, mais qu'il demeurait libre, s'il le préférait, de se faire servir dans un salon à eux réservé. Des stewards parfaitement stylés et de coquettes maids se tenaient aux ordres des passagers malgré eux. Enfin, il n'était pas un coin du navire où ils n'eussent licence de se promener selon leur bon plaisir. On ne pouvait vraiment appeler cela une captivité. Néanmoins, le fait initial était là. Jim Sandy et sa famille n'avaient pas été plus libres de ne voir partir qu'ils ne le seraient de choisir leur port de débarquement. On les contraignait à quitter le sol américain et à aller résider au Japon. C'était là une double contrainte bien difficile à accepter pour un Yankee si parfaitement épris des principes de liberté individuelle. Par contre, si Mrs. Sandy, d'humeur casanière, partageait la fureur de son époux, la marquise et sa fille prenaient fort gaiement l'aventure. Voir du pays ne déplaisait pas à Susanna. Rien ne retenait particulièrement la jeune fille à San Francisco, puisque son fiancé ne s'y trouvait pas. Comme il devait y venir prochainement, elle avait obtenu du commandant l'autorisation d'utiliser la TSF pour lancer une dépêche à destination de Constantinople, où résidait actuellement Jean d'Entrevaux. Averti à temps, l'attaché d'ambassade en serait quitte pour changer d'itinéraire et rejoindre au Japon sa fiancée. Tokyo vu en si douce compagnie serait certainement plein de charme. Ce point réglé à sa satisfaction, Susanna détermina sa mère à ne pas bouder plus longtemps leurs hôtes et à faire honneur aux 5 o'clock du commandant. Le marquis lui-même ne dédaigna pas d'y paraître. Toutefois, sans tenir rigueur aux officiers, dont le rôle se bornait à exécuter une consigne, il persista à se considérer comme prisonnier et affecter une réserve digne qui n'allait point jusqu'à l'empêcher de se poser 1000 questions. Une chose, en effet, l'étonnait, comme elle avait étonné son beau-père. Ils avaient cru tout d'abord être victimes d'une mesure générale et s'étaient attendus à trouver à bord d'autres otages fournis par les principales villes des États. Mais Archibald ne tarda pas à apprendre, de la bouche même du commandant, que le cas de Jim Sandy était unique. Le marin ne considérait d'ailleurs pas son hôte comme un otage et n'avait pas mission de le remettre en cette qualité au gouvernement japonais. On l'avait simplement invité à conduire à Yokohama Jim Sandy, citoyen récalcitrant, qui, délégué par son pays un poste de la plus haute importance, prétendait donner l'exemple de l'indiscipline. À l'arrivée, le milliardaire et sa famille devaient être accueillis par des dignitaires japonais qui l'installeraient dans sa nouvelle fonction avec le cérémonial d'usage, et le commandant n'avait pas l'air de comprendre qu'on rechignât devant une aussi alléchante perspective. Le marquis s'en fut aussitôt rapporter ses propos à son beau-père. « Mes félicitations, conclut-il. Il paraît qu'on vous a choisi entre tous les citoyens des États-Unis, ce qui est d'autant plus flatteur que rien ne semblait vous désigner particulièrement pour ce rôle représentatif. » « Un homme est un homme, » riposta d'un ton rogue le milliardaire que ce persiflage vexait sans qu'il en voulût convenir. « Précisément, » approuva le caustique Archibald. « On avait donc l'embarras du choix ?» Car il en existe quelques-uns dans les deux Amériques. Voyez un peu l'ironie du hasard. Des milliers d'hommes auraient sans doute brigué cet honneur et l'on va justement choisir celui qui n'en voudrait à aucun prix. À aucun prix, approuva énergiquement le vieux Jim. C'est égal, beau-père. Je ne vous savais pas aussi en vue. Vous entreteniez donc des relations avec le conseil des trusts? Aucunement. Avec le président, alors? Je lui parlais l'autre jour pour la première fois et par téléphone encore. Enfin, vous connaissez à tout le moins le cousin du concierge d'un député au Congrès. » La plaisanterie était trop française pour être comprise d'un Américain. Jim Sandy l'a pris au sérieux. « Archibald, j'affirme que non, » déclara-t-il solennellement. « Il faut bien vous croire, » répondit imperturbablement le facétieux marquis. « C'est donc que vous possédez sans le savoir de puissants protecteurs. Car vous avez beau être un homme éminent, je ne crois pas que le conseil aurait songé à vous, ni que le Japon vous aurait réclamé spécialement vous et votre famille. Bien surprise de tant d'honneur, si quelqu'un ne vous avait pas chaudement recommandé. » Jim Sandy dressa l'oreille. « Recommandé ? quelqu'un, répéta-t-il, et il demeura tout songeur. Deux jours après, la presqu'île d'Aba était en vue, et bientôt le navire franchissait le détroit d'Uraga, puis, pénétrant dans la baie de Tokyo, allait mouiller dans le port de Yokohama. Un haut fonctionnaire nippon, entouré de quelques officiers, attendait les passagers. Il les accueillit par une infinité de courbettes, suffisantes pour satisfaire au protocole le plus rigoureux, et une harangue cérémonieuse qui exprimait en termes hyperboliques la joie du Japon honoré d'une semblable visite. Mais Jim Sandy n'était pas homme à se laisser éblouir par la politesse asiatique. Sa rude franchise yankee eut au fait de dépouiller la réalité du voile d'hypocrisie dont on tentait de l'apparer. « Un mot, monsieur, » fit-il en interrompant les politesses congratulatoires du prolixe jaune. « En quelle qualité suis-je ici ?»« Mais comme envoyé amical de la gigantesque et magnanime République américaine ?» répondit l'orateur en balayant le sol de son front rasé. « Et comment m'accueillez-vous ? En hôte vénéré, dont la vue fait s'allumer les feux d'artifice et se pavoiser les maisons. »« Parfait. Je suis donc un citoyen libre. Vous êtes notre maître, et le Japon est à vos pieds. »« De mieux en mieux. En ce cas, ma volonté est de repartir à l'instant pour San Francisco. » Le Japonais se releva, effaré mais non démonté. « Nous supplions, votre excellence, de n'en rien faire, » répliqua-t-il. « N'est-elle pas le gage, ainsi que son honorable famille, de l'alliance qui unit le Japon et l'Amérique ? Nous tenons trop à cette alliance pour la laisser ainsi s'envoler. » « En d'autres termes, vous vous opposeriez par la force à notre départ ? Des milliers d'hommes se précipiteraient aux genoux de votre excellence pour la retenir par une barrière suppliante. » « Que nous ne pourrions évidemment pas escalader. Nous sommes prisonniers. Je ne voulais pas vous faire dire autre chose. Nous vous garderons comme un précieux trésor. Grand merci. Où sera notre coffre-fort ? Un palais de Tokyo a été préparé pour vous recevoir. Nous vous supplions de daigner y accepter la plus respectueuse des hospitalités. Nous la subirons, provisoirement tout au moins. Je réfléchirai à ce que je dois faire. » Ayant dit, Jim Sandy emboîta le pas à ceux qu'il considérait comme ses geôliers. Le marquis et les trois femmes suivirent. Un train spécial leur fit rapidement franchir la distance qui sépare Yokohama de Tokyo, et quelques heures après, délivrés des obséquiosités de leur escorte, ils s'installaient dans un confortable logis du boulevard Ginza. « On pourrait faire bien ne pas se croire au Japon, » remarqua le marquis, en constatant l'aspect presque européen de cette voie des plus modernes. Mais Jim Sandy ne se déridait pas. Il examinait sans bienveillance la domesticité japonaise mise à la disposition de sa famille. Six nippons, vêtus à l'européenne, formaient une escouade inquiétante. Ils avaient bien plutôt l'air de gardiens et d'espions que de valets de chambre. Deux servantes au sourire énigmatique et aux yeux furteurs les complétaient. Elles semblaient d'ailleurs exercer sur les hommes une autorité mystérieuse. Et cette autorité leur avait été inégalement répartie, car la jeune Sada, une gracieuse nippone aux yeux langoureux, obéissait visiblement à la grincheuse Miaya, beauté plus douteuse et plus mûre. Dès ses premières sorties, Jim Sandy, aussi bien que son gendre, ne tardait pas à se rendre compte qu'ils étaient invariablement suivis par deux des serviteurs. La même surveillance s'attachait au pas des trois femmes. À part cet espionnage, rien n'entravait leur liberté, ils avaient licence d'aller venir comme bon leur semblait. Ces constatations n'étaient pas faites pour éclairer l'énigme de leur séjour, car il était devenu clair, dès le lendemain de leur arrivée, que l'unique obligation de la fonction de Jim Sandy consistait à résider. Un incident ne tarda pas à aggraver les soupçons qui hantaient le cerveau du vieil Américain. Il se promenait un jour en compagnie de son gendre, non point paisiblement mais rageusement, indifférent aux beautés de Tokyo, un homme dont la rancune s'exaspère aussi bien des agréments que des inconvénients de sa prison. Entre les deux promeneurs, la conversation languissait et le marquis ne s'aventurait pas à troubler le mutisme farouche de son beau-père. Tous deux cheminaient donc en silence, ruminant, chacun de leur côté, des réflexions plutôt moroses, quand la courte silhouette d'un Japonais très européanisé se dressa devant eux. « Ravi de vous rencontrer dans mon pays, messieurs, et de pouvoir vous y souhaiter la bienvenue. » La voix était légèrement railleuse et l'attitude presque provocante. En levant les yeux vers l'homme qui les interpellait, Jim Sandy et le marquis de Glandève reconnurent le docteur Kasuga. Sous l'écrin noir de sa courte moustache, ses dents blanches souriaient largement et ses yeux lançaient des éclairs de triomphe. Puis-je vous demander, Master Sandy, si votre opinion à l'égard du Japon ne s'est pas sensiblement modifiée depuis notre dernier entretien ? Risqua impudemment le petit jaune. « Non, monsieur, » riposta l'Américain d'un air de dogue. « Pourtant, votre pays ne l'a pas jugé indigne de son alliance. Hé hé, c'est un encouragement, cela, et un bon exemple à imiter. »« Je ne comprends pas, » répondit Jim, dont cependant les paupières avaient cligné. « Je suis toujours candidat à la main de Mademoiselle Susanna. »« J'ai déjà eu l'honneur de vous la refuser, monsieur, » intervint sèchement le marquis. « Parce que vous êtes un Français sentimental, ne comprenant rien aux affaires, mais je m'adresse au grand-père, qui refuse aussi, encore, toujours !» s'écria furieusement le vieil Américain. « À votre aise, je repasserai lorsque vous serez calmé. Vous savez maintenant, Jim Sandy, qu'on fait quelquefois ce qu'on avait juré de ne point faire. Mon pays est puissant, puisque vous êtes ici. Votre pays soit !» répondit froidement le milliardaire. En contenant d'un geste l'énervement de son gendre. « Mais il s'agit de vous, monsieur. » Il guettait le jaune entre ses paupières mi-baissées, mais celui-ci ne devina pas le piège ou le dédaigna, cédant à un accès de vanité. « Moi aussi, je suis puissant, » répliqua-t-il avec un large sourire. « Ce qui veut dire ?»« Ce qui veut dire que ma volonté ou mon désir, ce qui revient absolument au même, sont bien pour quelque chose dans la décision qui me vaut le plaisir de vous retrouver ici. » Vous devez vous en douter, Jim Sandy. Pour que le Japon vous ait réclamé et que l'Amérique vous ait désigné, il a fallu l'intervention de quelqu'un à qui vous n'avez rien à refuser. Une flamme jaillit des yeux du Yankee. Ainsi, articula-t-il, c'est à vous que nous devons d'avoir été livrés au Japon? Parfaitement. C'est un premier pas. Je voulais vous avoir sous la main, ainsi que Miss Susanna. Il n'acheva pas. Un coup de poing solidement appliqué entre ses deux yeux l'envoya rouler au milieu de la chaussée. Le vieux Jim s'était souvenu en temps opportun d'avoir été un fervent adepte du plus frappant des sports. « Damné coquin » vociféra-t-il. Déjà, Kasuga se relevait prêt à bondir. Le marquis, la canote, s'élança entre le japonais et son beau-père. « À mon tour » déclara-t-il. « Ton insolence mérite une leçon !» Mais se contenant par un effort surhumain, le jeune réussit à sourire. On ne recourt pas au jiu-jitsu lorsqu'on a pour adversaire le père et le grand-père de sa future épouse, ricana-t-il en battant en retraite. Ce petit incident ne m'empêchera pas d'épouser Miss Susanna. Vous apprendrez à connaître votre maître. Au revoir, beau-père. Fou de rage, le vieux Jim et le marquis de Glandève voulurent se précipiter sur le petit homme. Mais il leur glissa entre les doigts et s'enfuit. Poursuivez-le ! Cria le milliardaire exaspéré. Par Jonathan, mon ancêtre, je veux lui faire avouer qu'il a, pour nous amener ici, dû faire un pacte avec le diable. » Monsieur de Glandève n'avait pas besoin de cet encouragement. Déjà, il était sur les traces du fuyard. Mais Kasuga avait de l'avance et possédait plus d'agilité que le père de Susanna. Il atteignit le coin d'une rue et disparut. Comme il tournait pareillement, il se heurta contre deux promeneurs et faillit choir. Heureusement pour sa dignité, une poigne solide le remit d'aplomb, tandis qu'une voix jeune et joyeuse s'exclamait « En croirais-je mes yeux ? Le marquis de Glandève à Tokyo. »« Jean ? Jean d'Entrevaux ?» cria à son tour Archibald en dévisageant son interlocuteur. « Mon cher enfant, c'est le ciel qui vous envoie. Mais laissez-moi poursuivre ce faquin. Un petit homme citron qui a failli nous écraser au passage. Le voici là-bas qui s'époumonne à courir. Permettez-moi de tenter de le rejoindre. J'ai un compte à régler avec lui et je vous expliquerai lequel. Je vous en prie, mon cher marquis. » « Ne vous mettez pas hors d'haleine. Si vous tenez à votre japonais, mon domestique ira vous le chercher. » Et sans attendre la réponse, Jean d'Entrevaux fit un signe au long gaillard mélancolique qui l'accompagnait. « T'as entendu, Guidou ? Cours et rapporte !» L'interpellé secoua la tête d'un air lamentable. « Je vais essayer, mais monsieur sait bien que j'ai la guigne, » déclara-t-il. En même temps, ouvrant l'immense compas de ses jambes, il partit à une vitesse telle que le salut de Kasuga devint aussitôt tout à fait improbable. « Guillaudou est neurasthénique, » expliqua le jeune homme. « Il se croit persécuté par le sort. »« Excellent garçon, au demeurant, dévoué et débrouillard, et qui se mettrait au feu pour moi. »« Une perle, mon ami. Et quoi qu'on en dise, elles sont rares au Japon. Mais par quel hasard ? J'allais vous le demander, mon cher beau-père. »« Vous n'avez donc pas reçu le câblogramme de ma fille ?»« Non. Il y a 3 semaines que j'ai quitté Constantinople, expédié ici pour une mission tellement secrète que j'ignore moi-même en quoi elle consiste. » Nous ne sommes guère plus au courant des motifs de notre présence. « Vous, est-ce que mademoiselle Susanna serait ici ?»« Susanna et toute la famille, mon cher Jean. Votre fiancée va être bien heureuse. »« Moins que moi, marquis. Mais expliquez-moi donc les bizarres circonstances de notre rencontre. Que vous avez fait, ce japonais ?»« Ce drôle. Il m'avait demandé la main de Susanna. Et comme, cela va sans dire, j'avais répondu par un refus, il m'a menacé de l'épouser malgré moi. « Oh oh !» fit Jean d'Entrevaux en fronçant les sourcils. « Si j'avais soupçonné ces détails, je n'aurais pas chargé Guido de cette poursuite. J'y serais allé moi-même. » « C'eût été d'autant plus sage que votre chasseur revient bredouille, si j'en crois sa mine piteuse et ses mains vides. » En effet, le long valet de chambre du jeune attaché d'ambassade reparaissait et s'approchait en poussant des soupirs à fendre l'âme. « Je l'avais bien dit, » gémit-il. « Mon gibier s'est éclipsé sans que je puisse dire par où il est passé. » « C'est fâcheux, » murmura le marquis soudain rembruni. « Prenez-en votre parti, » conseilla philosophiquement le jeune homme. « Qu'importe les menaces d'un drôle aussi prompt à jouer des jambes. S'il ose reparaître, je lui tirerai les oreilles, voilà tout. » Le marquis de Glandève ne parut pas convaincu. « Vous en jugerez différemment lorsque je vous aurai mis au courant, » répliqua-t-il. « Si nous sommes au Japon, et contre notre gré, sachez-le, c'est aux machinations de ce petit jaune que nous le devons. Que me dites-vous là ?» Voici le grand-père de Susanna qui va vous confirmer mes paroles. Master Sandy, reconnaissez-vous notre ami Jean, le fiancé de ma fille, que vous-même avez agréé ? Les yeux de l'Américain s'illuminèrent. Stupéfiant, proclama-t-il. Jeune homme, je suis ravi de vous voir. Vous ne pouviez arriver plus à propos. N'admirez-vous pas ce hasard ? Insista le marquis. Jean est envoyé au Japon à l'époque où nous-mêmes sommes contraints d'y venir, et je meurs à lui au moment où cet insolent japonais m'échappe. « Cet incident n'a plus aucune importance, » répliqua Jim Sandy, dont la physionomie reflétait une intense satisfaction. « Je pense qu'il va nous être facile de nous moquer de lui. »« Oubliez-vous ces menaces ? Elles seront désormais inutiles. Je le souhaite. Mais voulez-vous me dire ce qui les rendra telles ? Une idée qui me vient, et que nous allons mettre sans tarder à exécution. Puisque le fiancé de Susanna est ici, célébrons le mariage. Bravo !» s'écria Jean d'Entrevaux enthousiasmé. « Voilà ce que j'appelle une bonne idée. »« Je suis également de cet avis, » approuva le marquis, songeur. « Mais tenons ce projet secret. Je me défie du japonais. »« Qu'il aille au diable !» s'écria impétueusement Jim Sandy. « Je le ferai échec et mat. Et pour le narguer davantage, je vais donner une fête à l'occasion du mariage. »« Oui, une fête dans cette demeure qu'on nous a signée comme prison. »« Puisqu'il en est ainsi, mon cher Jean, venez donc faire votre cour et mettre votre fiancé au courant. » Nous vous demanderons aussi de nous laisser votre domestique, ne serait-ce que pour pouvoir correspondre avec nous en toute sécurité. Prenez Guillaudou, acquiesça Jean d'Entrevaux. Tu entends Guillaudou ? À compter de cet instant, tu es au service du marquis. Moi, monsieur, mais je ne veux pas quitter monsieur. Il ne s'agit que d'une séparation provisoire, mon brave. Je me marie dans quelques jours et je te reprendrai alors. En attendant, c'est un poste de confiance que je te donne. En ce cas, monsieur, je suis aux ordres de monsieur le marquis. Mais je me permettrai de le faire respectueusement observer à monsieur qu'il n'a peut-être pas suffisamment réfléchi. Il n'ignore pas que j'ai la guigne. En admettant qu'elle existe, ta guigne, mon ami, elle doit être personnelle, lança Jean d'Entrevaux, impatienté. Il s'éloigna entre le marquis et Jim Sandy.